idées claires. Comme tout le monde, je commets des fautes quand dans la tête y'a que des éclairs. Dans la boca j'ai de la foudre, je les laisse surfer sur la poudre. On vient faire kiffer la foule avant que Morphée nous épouse, merde. Des hommes, dès lors qu'on comprend que dans le désordre, prendre l'argent mais combien de temps avant que la tolle désordre. Faire de la zone, tout ce qui résonne c'est le cri des drames. Ça s'empoisonne et voir son âme au prix du gramme. Ils nous ont pas vu venir, ces fils de chiens n'auront que les miennes. Dirais que je préfère mourir que leur donner même une seconde des miennes. On banalise les viols, pénalise fumeurs de drogue. Dans le shit, un sa robe, c'est tes faiblesses qui servent de god. Aujourd'hui je suis pensif, le taf me casse les couilles dehors, ça fait moins 10, tranche dans le vif, on peut pas vivre sans magouille. Justice à deux vitesses, pendant qu'il roule en boîte auto. Rien à foutre de la tristesse, faudra gruger les impôts. Ouais, faudra s'y faire, même si c'est chaud. Ouais, faudra s'y faire, faire on a le sang chaud. Ouais, faudra s'y faire, même si c'est chaud. Ouais, faudra s'y faire, faire on a le sang chaud. Faudra s'y faire, même si c'est dur, ce projet de Lucifer. On mène la guerre pour finir le cœur pur. Que de la grisaille dans le répertoire, que des pensées noires. Pendant que les corbacs te guettent en secrète de leur perchoir. À croire, on est des aimants à bourbier, nos dos courbés comme Julien. Nous on cherche juste la vérité. Ne parlez plus de soutien, moi je me souviens quand j'étais seul. Au croisement de mon destin, je mettais les souvenirs dans une feuille. Depuis que ma mère n'est plus là, je n'ai que le sourire en façade. Et tu peux ressentir tout ça quand le son sort en façade. Faudra s'y faire et vivre avec. Casse pas ta tête, le cœur froid comme l'hiver. En attendant qu'il libère la bête. Entouré de mes acolytes, ici ça fuit les alcotestes. J'avoue, j'aime pas les flics et j'ai jamais retourné ma veste. Frérot, je suis pas le best, mais je t'assure, tu peux pas tester. Un abat, graille terrestre, tout bouffé dans ton assiette. Ouais, faudra s'y faire, même si c'est chaud. Ouais, faudra s'y faire, faire on a le sang chaud. Ouais, faudra s'y faire, même si c'est chaud. Ouais, faudra s'y faire, faire on a le sang chaud.